Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu n'es pas né pour échouer, ma sœur. Ne te plains pas. Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir une grande mission. Et j'aimerais te dire que tant que cette mission n'est pas encore accomplie, tu ne mourras pas. Oui, espère à l'Éternel. Dieu t'a déjà promis de grandes choses. Ton mariage arrivera. Dieu t'a déjà montré. Ne désespère pas, quel que soit ton âge. Sache que ton Dieu est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Je vais t'encourager à te réveiller là où tu es et à commencer à dire merci à ce Dieu, à invoquer le nom de Dieu. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Marc chapitre 4, 26 à 34. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc 4, 26 à 34. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous l'ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ces gens qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. Oui, deux de ces premières vérités sont en rapport avec le royaume de Dieu. Il y a deux paraboles ici que le Seigneur donne. Première vérité concerne la première parabole ou la première image. Il parle du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Lorsque nous jetons une semence en terre, nous ne savons même pas comment cela se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle qui se fait dans le sous-sol. Mais on dit, nous ne savons pas quand, comment cela se fait. Il dit, au verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Je vais encourager quelqu'un qui est un évangéliste. Écoute-moi bien, mon ami. Lorsque tu es parti prêcher l'évangile quelque part, peut-être que les gens t'ont chassé. Tu as parlé de Jésus-Christ à des amis. Ils t'ont ridiculisé. Ils ont dit qu'ils n'ont même pas besoin de cela. Ils t'ont considéré comme quelqu'un qui a perdu la tête. Mon ami, ma sœur, je vais te dire une chose. Ce que tu as fait là, c'est une semence. Ne te décourage pas. Continue seulement de prier pour que cette semence-là va continuer à germer. Un jour, tu vas voir le fruit. Je vais te dire quelque chose. Cet ami-là, qui est aujourd'hui dans le monde, qui vit selon les plaisirs du monde, tu vois qu'il roule dans une belle voiture, il s'en va dans des boîtes de nuit. Un jour, lorsqu'il va rencontrer les problèmes, à cause de la parole que tu lui as prêchée, c'est une semence, il va revenir te chercher. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est comme une semence. Et cette semence-là, il y a des semences qui prennent du temps. Dieu lui-même va continuer à arroser. Et cette semence, un jour, va porter des fruits. Je vais parler à une femme. Ton mari est non-chrétien. C'est vrai, tu vis des moments difficiles. Quand tu lui parles de Christ, là, il ne veut rien attendre. Quand tu lui demandes même d'aller à l'église, il est énervé. Ne te décourage pas. Oui, continue à croire que ce que tu lui as dit, c'est une semence. La parole de Dieu est une semence. Cette semence va germer. Cette semence va un jour porter des fruits. Continue à le porter dans la prière. C'est vrai que ton mari est cartésien. Lorsque tu lui parles de quelque chose, il veut que tu puisses démontrer. Prie le Seigneur. Un jour, espère que cette semence que tu as déposée dans son cœur va porter des fruits. Tu ne sais pas comment cela va se faire. Ça, c'est le miracle divin. Oui, lorsque des gens comme Saul de Tarse se sont convertis, ce n'est pas par la puissance humaine, c'est par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Nous devons annoncer l'évangile qui est la semence, la parole de Dieu. Vous voyez, il est dit ici, au verset 28, « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que les fruits est mûr, on y met la faucille. » Car la moisson est là. Il en est de même, lorsque nous faisons le travail de missionnaire de l'évangélisation, nous sémons, mais à un moment donné, nous allons voir que c'est le temps de la moisson, parce que Dieu lui-même prépare cette moisson-là. Deuxième vérité, concerne toujours les royaumes de Dieu. Il compare les royaumes de Dieu à un grain de sénévé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des petites choses que nous faisons, que nous semblons négliger, peuvent un jour porter de grands fruits. C'est ça l'idée du grain de sénévé. Il dit, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Vous voyez, le grain de sénévé, c'est un grain qui est petit. Mais lorsqu'on sème là, ça semble être négligeable. On ne s'attend pas à ce que ça puisse porter quelque chose de grand. Mais laisse-moi te dire que ce que tu vois de petit là, un jour ça va produire de grandes choses. Est-ce que tu comprends? Je vais parler même à quelqu'un. Même quand tu donnes ton offrande là, peut-être que ce que tu donnes, tu connais ça comme petit. Mais Dieu va multiplier ce que tu as donné pour son œuvre. Surtout lorsque tu le donnes d'un bon cœur. Il ne faut pas négliger ça. Ce que tu as posé comme acte, c'est comme un petit grain de sénévé qui va porter des fruits, qui va produire de grandes choses, qui peuvent déclencher de grandes bénédictions dans ta vie. Vous voyez, il est dit ici, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand. Je vais parler à quelqu'un. Même le commerce que tu commences là, tu négliges ça parce que tu dis c'est un petit capital. Ne néglige pas cela, la main de Dieu sera dessus. Tu vas commencer à monter, ton capital va monter, ton chiffre d'affaires va monter dans le nom de Jésus. Et tu vas voir de grandes choses. Ton petit commerce que tu fais là, tu vends les petits à locaux, les bananes là que tu vends. Le Seigneur peut produire de grandes choses pour que ça devienne un grand restaurant. Je parle à toi, il faut que tu dises amen. Alléluia. On dit, mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Vous voyez, lorsque Dieu est avec toi, il peut bénir ce que tu fais. Ça va monter, ça va devenir grand. Il en est de même du ministère. Je vais encourager un jeune pasteur. Tu viens de commencer une église, c'est vrai que c'est difficile pour le moment parce que les offrandes n'arrivent même pas à soutenir ce que tu fais, à payer la salle. C'est vraiment, c'est difficilement que vous arrivez même à payer la salle. Mais j'aimerais te dire, si c'est l'Éternel qui t'a appelé à ce ministère, ce que tu es en train de faire, c'est une semence. Je sais que tu t'es sacrifié, tu sacrifies même ton argent pour faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est une semence, c'est comme un grain de sénévé. Tu considères cette église comme une petite œuvre. Mais laisse-moi te dire, cette église deviendra une grande œuvre qui va se déployer dans le monde entier. Et tu vas influencer des nations. Persévère. La vision que Dieu t'a donnée, elle s'accomplira. Alléluia. Oui, donc cette église deviendra comme des légumes qui poussent de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Il y a des gens, des nations qui viendront s'abriter dans le ministère que Dieu t'a donné. Ne néglige pas cela. C'est difficile, mais ça va pousser. Et ça va porter des fruits. Oh, que le Seigneur soit béni pour toutes ces vérités. Troisième et dernière vérité, nous devons avoir l'habitude d'expliquer aux autres.

te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Alléluia. Oh, il est digne d'être glorifié, notre Dieu. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le célébrer pour toutes ces vérités qu'il nous révèle? Pourquoi ne pas le glorifier, lui qui rend des choses petites grandes? Bénissons son saint nom. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi qui fais germer en nous ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique. Nous t'élèvons, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous aide à partager cette parole avec les autres et c'est toi qui l'as fait croître en eux. Nous t'élèvons pour cela, nous te glorifions, ô Père. Merci Seigneur, toi le Dieu qui bénit tout ce que nous faisons. Oh, nous t'élèvons, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui élève et qui abaisse. Tu es celui qui accomplit ta volonté dans la vie des tiens. Nous te glorifions, ô Père. Pour cela, nous t'élèvons, nous te magnifions. Toi, le Dieu créateur de toutes choses. Tout a été créé par toi et pour toi. Rien de ce qui existe n'existe sans toi. Nous bénissons ton nom. En ce moment, nous te glorifions. Nous t'élèvons dans nos vies. Nous t'élèvons dans tout ce que nous faisons. Et nous t'élèvons dans tout ce que nous entreprendrons. Car nous savons que c'est toi seul qui fais croître toutes choses. Béni sois-tu, ô notre Père, notre Seigneur, toi le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre émission, nous le rappelons, c'est OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous nous tenons à la brèche, c'est-à-dire nous sommes devant la présence de Dieu pour prier, pour intercéder. Nous le faisons chaque 5 heures temps universel. Oui, nous sommes la radio de la vie. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous prions selon les Saintes Écritures. Et pour aujourd'hui, notre passage qui inspire nos prières, c'est Marc chapitre 4, 26 à 34. Nous venons de voir que lorsque nous sèmons, nous ne savons pas comment les choses se passent dans la terre, mais cette semence un jour va porter des fruits. C'est pourquoi lorsque nous évangélisons, lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous ne devons pas nous décourager. Même si sur le champ, quelqu'un semble ne pas être favorable, tu vas prier le Seigneur, peut-être pour quelqu'un. Tu as partagé la parole de Dieu avec un ami, avec un parent, avec ton mari, ta femme. Peut-être qu'il semble toujours endurci, mais tu vas prier pour dire, Seigneur, la semence que j'ai partagée avec lui, je voudrais un jour qu'elle germe, je veux voir des fruits. Et tu vas continuer à prier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, ô Père éternel, nous exprimons notre reconnaissance et nous demandons que tu reçoives agréablement les prières que nous t'adressons. Nos prières commencent par les remerciements. Nos prières commencent par l'action de grâce et l'expression de tout ce que tu as fait pour nous. Ce matin, ô Père éternel, en tant qu'enfant de Dieu, nous prions et nous demandons que ta grâce nous accompagne, que ta faveur soit avec nous. Nous prions et nous intercédons pour toutes celles et tous ceux à qui nous avons annoncé l'évangile, à qui nous avons annoncé la bonne nouvelle et que cette semence demeure en eux et qui n'a pas encore germé. Nous prions, Père éternel, et nous demandons que par ton Esprit Saint, cette semence germe et porte de fruits. Que ceux qui ont reçu la parole et qui sont toujours aveuglés, nous demandons au Père éternel que cette couverture qui les aveugle soit ôtée au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent s'épanouir, afin qu'ils puissent porter du fruit, afin qu'ils puissent reconnaître que véritablement Jésus-Christ est Seigneur. Nous prions contre toute opposition à l'évangélisation. Nous prions contre tout blocage à l'évangélisation et nous déclarons que l'atmosphère est conduisive et que l'accès de ta parole apportera de la transformation dans les différentes vies. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes choses, ô Père éternel. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi la parabole du grain de Sénévé. Un petit grain peut un jour produire de grandes choses. Ceci est valable aussi bien dans le domaine de l'évangélisation que dans le domaine même des affaires, de travail. Tu peux commencer de petites choses, mais qui vont accomplir de grandes choses. Tu vas prier. Peut-être que dans ta vie, tu méprises les ministères que tu fais, tu négliges le travail que tu fais, tu négliges ton salaire, tu négliges l'offrande que tu donnes à Dieu, tu négliges même le commerce que tu fais. Tu vas prier pour dire, Seigneur, ce que je fais, c'est comme une semence, un grain de sénévé. Je crois qu'un jour, ça va monter. Tu vas prier pour que cela monte, que cela devienne grand et que cela puisse s'étendre pour que cela devienne une référence pour les autres et pour le monde. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche. La force pour la prière. OSP. Merci ce matin pour cet enseignement qui nous galvanise, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de bannir dans notre vie le découragement, le désespoir, car les petits commencements font des grandes choses, notre Dieu, notre Père. Par ce monde, c'est par Adam et Ève que tu as peuplé ce monde. C'est par notre Dieu, notre Père. Oui, 8 personnes après le déluge que tu as repeuplé le monde entier. Et nous savons, avec un petit commencement, par la prière, par la persévérance, par l'endurance, notre Dieu, nous allons réaliser des grandes choses. Surtout, aide-nous à aimer ce que tu nous as donné, le don, le ministère, le charisme. Nous prions que le Seigneur a nous attaché à cela, matin, midi et soir, à évangéliser, à nous tenir dans ta présence, dans le jeûne, dans la présence, dans l'éveil, dans ta parole. Nous croyons que tu agis toujours. Louange à toi. Gloire à toi pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance du ministère de l'enseignement. Jésus était un bon enseignant. Il parlait en parabole, c'est vrai, mais il expliquait en particulier. Prions pour que Dieu suscite davantage des enseignants qui sont capables d'enseigner la parole de Dieu dans nos églises, d'expliquer la parole de Dieu pour que tout le monde comprenne, pour que même ceux qui ne savent pas lire et écrire, les analphabètes, soient capables d'entendre, de comprendre la parole de Dieu. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec respect. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec respect. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec respect. Merci et merci pour ta grâce que tu manifestes au milieu de nous. Merci parce que tu suscites des hommes, tu suscites des femmes, des serviteurs pour annoncer ta parole, pour dire les vertus de ta parole, pour que de par ta parole, par la foi, immutitude, croie et sois sauvé. Merci pour la révélation de ta parole que tu mets sur la bouche de tes enfants, afin que cette parole produise des conversions. Cette parole apporte la foi pour des guérisons, pour des signes, les prodiges et les merveilles au milieu de ton peuple. Cher Saint-Esprit, merci encore une fois de plus de susciter des véritables hommes de Dieu qui enseignent ta parole dans la vérité, dans la simplicité, qui donne au Dieu chaque jour des paroles bénéfiques, des paroles qui édifient, des paroles constructives, des paroles de sagesse, des paroles inspirées pour que ton peuple soit édifié, pour que ton peuple soit restauré, pour que ton peuple soit transformé. Merci et merci parce que Jésus-Christ était un homme de paroles, car il est écrit que chaque jour Jésus enseignait dans les synagogues, sur les bateaux, chemin faisant, sur la montagne, en tout temps et en tout lieu. Il était le maître de la parole et il enseignait. Paul pouvait dire, priez pour moi afin que quand j'ouvre la bouche et que j'annonce avec exactitude la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu établis en nous des hommes de parole qui prêchent la parole vraie pour l'avancement de ton royaume au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre rendez-vous, nous les rappelons, c'est le samedi 26 décembre 2015. Tous à Adjamé, à Abidjan. Dans cette grande rencontre spéciale OSB d'Action de Grâce, ne venez pas les mains vides, venez avec une offrande spéciale pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Ne manquez pas ce rendez-vous. Mais nous rappelons que le dimanche 20 qui arrive ici, nous aurons notre rencontre de couple dans le cas de bonheur conjugal. Thème, comment exprimer votre amour à votre conjoint. Venez, messieurs et madame. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB, à demain.